La Caisse des Jardins du Domaine du Roy rend hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des événements nautiques les plus prestigieux du monde. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes, le support des nombreux commanditaires et surtout l'engouement de la population ont permis à cette organisation d'atteindre et de maintenir une notoriété aussi élevée qu'enviable, et ce, après 62 ans. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. La nouvelle est sortie lundi soir. C'est une belle nouvelle, en fait, pour Robert Val. C'est que pour la première fois depuis fort longtemps, il y aura un match de hockey de la Ligue de hockey junior du Québec, un match hors concours qui opposera les Cataractes de Shawinigan au Saguenay-de-Chicoutimi. Et les profits iront au hockey mineur. Et on va parler avec Hugo Maltais. Salut, Hugo! Salut! Hugo, effectivement, donc c'est une belle nouvelle pour le milieu de Robert Val hier. C'est une très belle nouvelle qu'on a reçue hier par la Ligue junior majeure du Québec d'avoir là, la possibilité d'offrir une partie de hors concours entre les Cataractes de Shawinigan et les Saguenayens de Chicoutimi. Ouais. D'autant plus que autant là, du bord des Saguenayens avec Yannick et Marc Denis, ben, on nous a assuré là, qu'on allait avoir la présence de Louis-Philippe Simard de Marteuillage. Donc pour nous, c'est un beau cadeau, puis on peut penser là, la même affaire. On a eu la certitude même de Claude Bouchard des Cataractes de Shawinigan et puis de Martin Mondou qu'à Samuel Girard allait être de l'alignement. Donc oui, c'est un bel événement qui va se tenir là, à Robertval le 26 août. OK. Est-ce que ça... comment ça a commencé les négociations? Est-ce que ça a été difficile d'avoir les Saguenayens à Robertval? Honnêtement, ça, je pense que tu as été un précurseur là-dedans. Ça faisait plusieurs fois que tu m'en parlais. Puis tu me disais, Hugo, il faudrait que tu sois capable d'avoir les Saguenayens. Honnêtement, j'ai fait aucune démarche. Okay. C'est ton ciel. Ça, c'est bien honnête. Ça a parti. Tout simplement que dans les deux dernières années, là, moi, j'étais à l'école de hockey de Yannick Jean à Robertval. Puis Yannick, ben, il vient passer là, avec son école de hockey. Il venait passer un mois à Robertval. Donc, avec sa femme qui est native ici, c'est quelqu'un du milieu. Puis Yannick, ça faisait un an ou deux, des fois, qu'il me disait, ben Hugo, quand il était même à Victoriaville, Hugo, à un moment donné, je pourrais peut-être m'organiser pour faire défendre les Tigres à Victoriaville, à Robertval contre les Saguenayens, tu penses ouais. Que c'est intéressant. Puis c'est venu de cette idée-là. Puis j'avais toujours dit, ben oui, ce serait intéressant. À un moment donné, s'il y a une possibilité, ben on s'en reparlera. C'est venu comme ça il y a à peu près en début juillet. Okay. Donc, Yannick Jean m'a appelé, il dit Hugo, il dit je me suis entretenu avec Claude Bouchard des Cataractes, puis on serait prêt. Puis Claude Bouchard, ben à toutes les années, il vient donner un coup de main à l'école d'hockey Yannick Jean Robertval, donc il vient prendre deux ici. Fait qu'il dit, on serait prêt à vous donner un coup de main, mais du moins, en tout cas, offrir la partie. Okay. Donc là, j'ai fait le tour de mon CA, puis après ça, ben Marc Denis, on m'a fait entrer en communication avec Marc Denis, là, puis on a réglé ça avec Marc Denis, là, les détails financiers, puis les points techniques qu'il devait y avoir, là, puis avec la Ligue junior majeure du Québec. Fait que c'est parti comme ça, ça m'est tombé dans les mains, puis on a saisi la balle au bon, puis au début, on a eu quelques réticences. Par exemple, on n'a pas dit oui de suite. Okay. Il a fallu quand même, parce que ça a des bonnes implications financières, au-delà de dire, là, hey, c'est plaisant, Samuel vient jouer à Robertval. Ouais. De ça, il y a quand même des bonnes implications financières, puis on ne voulait pas là, nécessairement là, faire un déficit, puis mettre l'hockey mineur là, dans une situation où est-ce qu'après ça, ben, c'est des membres, les jeunes, qui ont des parents qu'il faudrait qu'ils remboursent ça. Mais on a pris nos aplombs, puis on pense que là, ça devrait être bon là, pour au moins pas perdre d'argent. Puis si on en fait un petit peu, ben, c'est au profit du hockey mineur. Puis on va leur donner aux jeunes là, dans des équipements puis dans divers achats qu'on va faire là, pour le début de l'année. OK. Par contre, ça ne vous donne pas beaucoup de temps. Ça ne nous donne vraiment pas beaucoup de temps. La Ligue junior majeure du Québec nous avait oublié. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon. Puis nous avait oublié. Puis moi, lundi matin, ça a donné par hasard de même. Marc Denis m'a appelé parce que il arrivait d'un voyage au Honduras, puis il me dit, puis comment ça va, Hugo, l'organisation du match. Puis j'ai été bien honnête avec Marc Denis, j'ai dit, on vous l'ordonne à Chicoutimi. Vous l'organiserez à Chicoutimi. Moi, j'ai pas eu de nouvelles à la Ligue junior majeure du Québec, ça fait deux semaines, il n'y a rien qui avance. Puis, ouais. Fait que là, Marc Denis dit, écoute, tu peux pas me donner le match, là. Tu sais, on voulait venir à Robertval absolument. Puis ben, il dit, garde, vire-toi de bord, puis trouve tes aplombs, parce que nous autres, c'est sûr qu'après-midi, si moi j'ai pas ce que je veux, si c'est pas satisfaisant, d'abord, toi, ça change rien, ben, vous organiserez la partie à Chicoutimi, puis c'est pas pire que ça. Fait que c'est pour ça que ça nous a pris de court. On a perdu quand même 2 semaines. Ben oui. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, des fois, d'être dans un petit milieu, mais ça a des avantages aussi d'être dans un petit milieu, là, en sachant hier, lundi à 4h, ben, j'ai été capable là, de me revirer de bord. Puis hier matin, là, on s'est mobilisé assez rapidement. Puis j'ai une bonne communication avec le maire de Robertval. Donc, ils m'ont offert des choses tout de suite pour me rendre ça, me rendre la vie beaucoup plus facile. Puis c'est le directeur des services des loisirs aussi. Ça fait que c'est sûr que ça va faire en sorte que oui, c'est court, mais on connaît le monde à Robertval. Puis ouais. Ça a un avantage. Donc, c'est peut-être plus facile aussi à organiser dans un petit marché. Que si j'avais organisé ça à Montréal, puis que là, je connais personne pour aujourd'hui, il faut que je me vire d'abord. Fait que, ouais. Il y a de l'ouvrage, mais ça va être, je pense que ça va être puis, très bien réalisé. Puis je pense que c'est, y a déjà pas mal de billets de vendus, hein? Déjà? Moi, hier soir, j'ai fait le décompte, là, en revenant là, de ma partie finale. Là. Hier soir, j'avais 250 billets de réservés. OK. Ça, c'est juste les billets que j'ai fait réserver. Par les membres du hockey mineur de Robertval, c'est-à-dire les parents puis les jeunes d'hockey. Okay. J'ai pas fait encore une prévente dans la population, mais avant de servir la population, je voulais donner une première chance. Hier matin avec Alexandre, on parlait de ça. Mm. On voulait donner une première chance aux coureurs, à nos membres du hockey mineur, parce qu'on le fait pour le hockey mineur de Robertval. Fait qu'on a commencé par dire, d'envoyer sur Facebook, puis on l'a partagé, comme de quoi que si les gens du hockey mineur, les parents avec les jeunes voulaient avoir des billets pour la partie, ben il y avait une prévente, là, on pouvait prendre leur nom. Ce qu'hier, autant avec les membres du hockey mineur, puis on est allé là, faire quelques tours de commerce à Robertval pour avoir quelques commanditaires, puis on est arrivé là, à 250 billets de réservés en une journée. OK, ben OK. Par contre, le sens possible, Benoît Lévesque, il y a des interrogations parce que, écoute, vous avez perdu même l'école de hockey Annick Jean, le tournoi à bout de souffle également. Est-ce que ça a forcé beaucoup? Parce que pour être au nom de la Ligue de hockey Jean-Marie du Québec? Honnêtement, je suis pas capable de te dire si ça l'a forcé beaucoup. Je suis assez honnête pour te dire que c'est sûr que ouais. Notre aréna est en décrépitude, puis que là, ça passe dans les journaux partout, que là, on attend la subvention là, des gouvernements ou de M. Couillard pour retaper notre aréna. C'est sûr qu'on a eu un gros joueur en Marc Denis, parce que Marc Denis, en étant venu avec Hockeyville, ça fait quand même ouais. 7-8 ans de ça. Ouais. Mais il a été capable de parler pour nous autres à la Ligue junior-major du Québec, puis de dire, ben regarde, si on était capable de tenir cet événement-là, le toit ne devrait pas lui tomber sur la tête, puis on devrait être capable de tenir encore l'événement. Fait que c'est sûr que Marc Denis a travaillé, a parlé en fonction de tout ça. Puis dans les critères qu'ils nous ont demandé, parce qu'ils nous ont demandé là, dans le cahier de charge de prendre 17 prises de photos, là, de points. Okay. De photos, honnêtement, on était capable de tout répondre à leurs exigences. Je ne te dis pas que c'est A1, mais du moins, on est capable de remplir leurs exigences, on était capable de fournir les informations, les locaux, et ainsi de suite, pour que tout le monde soit à leur aide. Donc, ça ne sera pas un 5 étoiles, mais en tout cas, ça va être un 3 étoiles. Mais, ils vont se contenter de tout ça. Mais si tu regardes dans des matchs sur concours, la Ligue de hockey Jean-Marie du Québec va dans des arénas pas mieux que le Centre sportif Benoît Lévesque. Là. Il y a des endroits je serais curieux d'avoir l'état du Centre sportif Benoît Lévesque. Ben, c'est une mission, tu sais, je veux dire. Ouais. C'est une mission publicitaire qu'ils font et promotionnelle, c'est clair.